Le centre de notre galaxie est un endroit vraiment très intéressant. Très intéressant parce qu'il s'y passe plein de choses. Et surtout parce que c'est le royaume de la densité. On y trouve en premier lieu, tout au centre, l'objet le plus dense de toute la galaxie, le trou noir supermassif Sagittarius A star. Et puis tout autour de lui gravite une population très dense d'étoiles, parfois très proches les unes des autres, mais aussi de nombreux nuages de gaz et de poussière, eux aussi très denses. Et puis, il y a des pulsars. Ces étoiles à neutrons, résidus d'étoiles explosées, dont la densité de matière est la seconde plus forte après celle des trous noirs. Du moins, il devrait y avoir de nombreux pulsars, car étrangement, nous n'en voyons que très peu, vraiment beaucoup moins que le nombre que l'on devrait voir. On appelle ce problème le problème des pulsars manquants. La très forte densité d'étoiles dans le centre galactique indique qu'il devrait s'y trouver plusieurs centaines de pulsars. Et parmi eux, les pulsars jeunes devraient être au nombre de 50, alors que nous n'en avons observé qu'un seul. Deux astrophysiciens américains, Joseph Bramante et Tim Linden, viennent de proposer une solution audacieuse, voire élégante, pour expliquer ces observations manquantes. Le centre galactique est aussi l'endroit de la galaxie où la densité de matière noire doit être la plus grande. Les chercheurs ont donc imaginé que tout était lié. La matière noire pourrait être à l'origine de la disparition des pulsars. Bramante et Linden, dans leur étude théorique publiée le 3 novembre dans Physical Review Letters, proposent un mécanisme très simple. Là où la densité de matière noire sous forme de particules massives est la plus grande, et là aussi où apparaissent les étoiles à neutrons lors de l'explosion d'étoiles massives. Ces résidus d'étoiles ne sont pas assez massifs pour finir en trou noir. Mais ces étoiles à neutrons en rotation rapide, ces pulsars, possèdent un champ de gravitation très fort et peuvent donc attirer à eux de grandes quantités de particules de matière noire. Ils peuvent ainsi accumuler de la matière noire dans leur centre et grossir. Mais une étoile à neutrons ne peut pas avoir une masse indéfiniment grande. Il existe une masse limite au-delà de laquelle l'étoile à neutrons ne peut plus être stable. Au-delà de cette masse, elle devient un trou noir. Après une accumulation suffisante de matière noire, le pulsar disparaît donc et n'existe soudainement plus. Cela pourrait expliquer pourquoi nous voyons si peu de pulsars dans le centre galactique. Ils seraient simplement devenus des trous noirs qu'on ne verrait bien sûr pas. Et comme la densité de matière noire décroît lorsqu'on s'éloigne du centre de la galaxie, car elle doit former un halo sphérique, Bramante et Linden prédisent qu'il suffirait de dénombrer les pulsars et surtout d'évaluer leur âge en fonction de leur distance du centre de la galaxie pour caractériser non seulement la répartition de la matière noire, mais aussi quelques caractéristiques physiques des particules en question comme leur masse. En effet, d'après ce modèle, l'âge de collapse d'un pulsar se trouve être inversement proportionnel à la densité de matière noire, et donc de la distance, et également proportionnel à la vitesse de dispersion des WIMPs. Alors, certes, l'observation d'un tel signal est difficile, car il faut collecter un maximum de signaux radio de pulsars, mais ce n'est pas impossible. Si une telle évolution en fonction de la distance du centre galactique peut être observée, la difficulté sera ensuite dans l'interprétation de l'observation. Il faudra pouvoir déterminer si l'effet est bien dû au mécanisme proposé par Bramante et Linden, et pas à un autre phénomène. Une variante serait de pouvoir observer directement le collapse d'un pulsar en trou noir. Mais on ne sait pas vraiment à quoi cela doit ressembler en termes de rayonnement. La proposition de Bramante et Linden est en tout cas une toute nouvelle méthode dans la boîte à outils des astrophysiciens et autres physiciens des astroparticules dans leur quête incessante de la masse manquante des galaxies. Et elle permet de répondre à une énigme encore sans réponse, ce qui est loin d'être sans intérêt. L'article de Bramante et Lindon est paru dans Physical Review Letters 113 du 3 novembre 2014 sous le titre « Detecting Dark Matter with Imploding Pulsars in the Galactic Center ».